Le chat fanfaron et les oiseaux. Le chat fanfaron voit des oiseaux dans le jardin. Il cherche des vers. Fanfaron n'aime pas voir les oiseaux dans le jardin. Il saute sur eux. Les oiseaux ont très peur de Fanfaron. Ils volent vers leur nid. Mais Fanfaron n'aime pas voir les oiseaux dans leur nid. Ils grimpent dans l'arbre. Les oiseaux voient venir Fanfaron. Ils ont très peur de lui. Ils quittent leur nid. Puis, ils s'envolent loin du jardin. Fanfaron met la patte sur leur nid. Il fait tomber les nids en bas de l'arbre. Ensuite, il revient dans le jardin. C'est son jardin. Fanfaron dort. Quand il se réveille, il voit un gros oiseau sur la clôture. L'oiseau a de grosses serres et un gros bec. Il regarde Fanfaron. Le gros oiseau est sur la clôture. Les autres oiseaux reviennent. Fanfaron ne les attaque pas. Il a très peur du gros oiseau. Les oiseaux construisent de nouveaux nids. Fanfaron les aime maintenant. Mais quand le gros oiseau revient, Fanfaron entre dans la maison.